Les voilà tous embarqués pour Aubervilliers et pour le deuxième acte. Et moi, je les suis. De ma boule de cristal, bien sûr. Tenez, collez-y votre œil. Ça, c'est l'auberge du père Grenu, l'oncle de Ciboulette. Écoutez le braire après sa femme et ses servantes. Une vraie bourrique, ce type-là. Allez, ouste, filez! Vous ne fichez rien parce que depuis 15 jours, je n'ai plus de chef métayer. Eh bien, sachez que j'en ai rien ce soir. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le 12e hussard qui est en manœuvre. Bonjour, la compagnie. Je viens de la part de mon officier, le capitaine de Lansquenet. Il demande si sur les 11h, on pourrait casser la croûte ici et boire un coup. Bien sûr, mon ami. C'est qu'il y aura des dames, alors il faut des bouquets de fleurs sur la table, hein? Allez, au revoir. Au revoir. Ah, ces Parisiens. Ça s'imagine qu'il y a comme ça des fleurs à la campagne. Faut les faire venir. Bonjour, monsieur du parquet. Bonjour, monsieur et madame Grenu. Eh ben, vous avez mis un temps pour venir. Oh, on a cueilli du lilas. Ah, qu'est-ce que vous voulez, c'est pas tous les jours le mois de mai.